Alors, vous écoutez Futur Simple au 89.1. Et pour terminer l'émission, Valérie va revenir sur une nouvelle qui a eu l'effet d'une bombe la semaine dernière en France. Il s'agit d'une étude du professeur Gelleric Seralini sur les OGM qui a été réalisée par, en fait, qui a été révélée dans le Nouvel Observateur. Alors, Valérie, ce dont tu vas nous parler, ce n'est pas tant de la science derrière cette étude, mais plutôt d'un manquement en éthique journalistique. Oui, effectivement. Alors, je vais essayer de résumer l'histoire, de retracer la suite des événements. Donc, tout d'abord, on va commencer par le début, qui est Gelleric Seralini. Il est chercheur en biologie moléculaire à l'Université de Caen, en France, et il est spécialisé sur les effets nocifs potentiels des OGM sur la santé humaine. Donc, il sait de quoi il parle. Il n'est pas strictement opposé aux OGM. Il est d'accord avec les OGM pour produire des médicaments, ce genre d'OGM, mais il est plutôt contre les OGM utilisés pour la santé humaine, utilisés dans l'alimentation humaine. Bon, il est aussi président du conseil scientifique du comité de recherche et information indépendante sur le génie génétique, donc le CRIGEN. Et en fait, j'insiste là-dessus sur le mot indépendante, sachant que pour faire les études en question, il a obtenu des fonds privés de la distribution alimentaire. Mais bon, c'est pas le point qui m'accroche dans cette histoire. Pour son étude, donc, je reviens à son étude, il a nourri des rats avec différents régimes comportant différentes quantités de maïs OGM qui étaient additionnés ou non de l'herbicide Roundup. Le glyphosate, là. C'est ça. Donc, les essais ont duré 2 ans ou un peu plus de 2 ans. Et pendant cette période, il a observé les effets de cette alimentation sur les rats. Et évidemment, il publie ses résultats dans la revue scientifique Food and Chemical Toxicology le 19 septembre dernier. Donc, apparemment, rien d'anormal. Ça, c'est le déroulement normal de la recherche, d'une recherche scientifique. Alors, on fait l'étude et on publie. Ben voilà, exactement. Donc, là où ça se complique, c'est qu'en même temps qu'il publiait qu'il terminait la publication pour la revue scientifique, là, en même temps, il a mis en marche une opération médiatique qui n'était pas très orthodoxe. C'est-à-dire qu'il a donné un accès exclusif de ses résultats à des journalistes du Nouvel Observateur avant la parution de la revue scientifique. Mmh. Donc, le Nouvel Observateur, en ayant avant tout le monde connaissance de ces résultats-là, a pu préparer son article et le faire paraître le 19 septembre, en même temps que paraissait l'étude scientifique dans la revue Food and Chemical Toxicology, donc, et avant tous les autres journaux. Donc ça, à la limite, ça passe encore parce que bon, c'est ce qu'on appelle l'embargo médiatique et c'est quelque chose qui existe. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, Valérie? Ben, ce qui ne va pas, c'est que Seralini a demandé aux journalistes du Nouvel Observateur de signer une clause de confidentialité leur interdisant de communiquer ces résultats à d'autres personnes. Donc, par exemple, de les communiquer à d'autres scientifiques qui pourraient examiner les résultats et leur donner leur avis. Donc, et ça, c'est pourtant une règle en journalisme scientifique et surtout sur un sujet aussi controversé que les OGM, quand on ne doit pas se fier à une source unique. À une seule source. C'est ça, exactement. Quand c'est la base journaliste. Oui, c'est la base. Donc, on doit confronter l'avis de plusieurs spécialistes de la question. Et là, les journalistes du Nouvel Observateur n'ont pas pu le faire. Donc, normalement, ce qu'ils auraient dû faire, c'est que, bon, ils prenaient connaissance de l'article de Seralini et ils allaient questionner d'autres scientifiques compétents sur la question des OGM pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Donc là, ils ne pouvaient pas le faire. Mais il me semble aussi qu'il y a une faute de la part du Nouvel Observateur. Là-dedans. Oui, c'est ça. Donc, il y a une double faute, en fait. Ben, à mon avis, Seralini est coupable d'obliger à une telle entente, mais de ce côté, le Nouvel Observateur, en acceptant ce contrat, faisait effectivement, comme tu le dis, une sérieuse entorse à l'éthique journalistique. Il ne pouvait pas savoir, il ne pouvait pas prétendre qu'il n'était pas au courant. Ben non, c'est ça, il l'a signé. Donc, d'ailleurs, il y a d'autres journaux qui n'ont pas signé. Je crois que les journalistes de la BBC ont refusé de signer une telle clause, parce que probablement, peut-être qu'il leur a été proposé, cette clause-là, mais ils ont refusé. Et cette entorse leur a donné l'exclusivité d'un reportage fort sur les OGM? Ben oui, exactement. Donc, il y a eu un gros titre qui est OGM, le scandale. Oui, les OGM sont des poisons. Ben oui, hein. Une page couverture avec des images choc et aussi même à l'intérieur de l'article, on voit des rats couverts de tumeurs, des formules choc. Donc, l'article parle d'hécatombe, dit que s'il s'agissait d'un médicament, il devrait être suspendu. Le tout avec avec quand même une dose de démagogie. Par exemple, il est écrit que ce même OGM que l'on retrouve dans nos assiettes à travers la viande, les œufs ou le lait, or l'OGM en question étant du maïs, il y a un grossier raccourci à dire qu'on le retrouve dans le lait et les œufs. Et cet OGM étant spécifiquement le maïs NK602, il y a un autre raccourci à généraliser dans le titre et de dire que les OGM sont des poisons. Mais ça ne s'arrête pas là, en fait. La tournure de l'article a une autre visée, c'est qu'il sert de publicité à un livre que Éric Serralini a écrit sur son étude et qui va sortir prochainement, comme par hasard, et aussi à un film qui découle de ce même livre. Donc c'est un formidable coup médiatique. C'est au-delà de l'éthique journalistique, c'est aussi un bon coup de marketing pour son livre et le film. Oui, tout à fait. Mais moi, ce qui me désole, c'est la complicité en fait du Nouvel Observateur. Là-dedans. Oui, absolument, exactement. C'est pour ça que c'est un manquement. Serralini fait son affaire de son côté. Il est, il est peut-être pas très droit, mais du côté du Nouvel Obs, il y a un manquement. C'est ça, exactement. Ils sont de connivence. Tout à fait. Mais est-ce que ça enlève la valeur scientifique à sa recherche? Ben en fait, pour le savoir, il faut attendre que d'autres spécialistes de la question prennent connaissance de l'étude scientifique, la dissèquent et réagissent. Alors évidemment, même si le Nouvel Obs avait une longueur d'avance sur les autres journalistes et sur la communauté scientifique, en fait, les réactions n'ont pas tardé à arriver. Il y a eu les critiques sur la pratique journalistique, comme je viens de le dire, et il y a aussi les critiques scientifiques. Donc, une des critiques est le choix de la souche de rat. C'est une souche qui développe spontanément des tumeurs. Et la deuxième critique, c'est la taille de l'échantillon. Bon, évidemment, quand on fait des études sur les rats, on ne peut pas avoir un énorme échantillon. Il y a quand même aussi une question éthique à ne pas faire subir des traitements pénibles à des animaux, etc. Et puis, bon, il y a un certain prix, etc. Donc, ils avaient au total 200 rats qu'ils ont divisés pour tous les traitements qu'ils faisaient avec plus ou moins d'OGM, etc. En 20 groupes de 10 rats. Donc, y compris le groupe contrôle, donc celui qui a mangé du maïs non OGM, il y avait 10 rats. C'est pas beaucoup, ça passe normalement, c'est à peu près la même grandeur que ceux qui sont pas de contrôle. Ouais, en fait, il y avait des groupes de 10 rats qui ont mangé des OGM à 11% d'OGM dans leur alimentation, un groupe 10 autres rats qui avaient 20% d'OGM dans leur alimentation. Il y avait les mâles et les femelles, ceux qui avaient du random, ceux qui n'en avaient pas. Donc ça a fait plusieurs cas, plusieurs traitements, donc chacun avec 10 rats et donc le groupe témoin de 10 rats. De dire pour chacun des groupes. Ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord. Mais ça fait quand même pas un gros échantillon quand même. Et surtout quand on veut mesurer des tumeurs et que la souche de rats en question fait spontanément beaucoup de tumeurs. C'est ça. Ça veut dire que sur les 10 rats du groupe contrôle, il peut aussi bien y avoir 3 ou 5 qui vont développer spontanément des tumeurs. Et ça a été le cas, je pense, dans certains tests, il y avait plus de tumeurs dans le groupe témoin que dans les groupes. C'est ça, exactement. Donc ça donne pas un groupe contrôle solide, alors ça met un petit peu des bémols à l'étude. Toutes ces critiques ont été relayées par divers médias, le journal Le Monde, la BBC, Nature, et ici au Québec, l'agence Science Presse fait aussi un très bon suivi de l'histoire. D'ailleurs, il rajoute au fur et à mesure d'autres nouvelles qui sont relayées sur le sujet, qui sont relayées par les autres médias. Mais malgré tout, il reste que cette étude a été publiée dans une revue scientifique. Elle a dû être révisée par les pairs avant parution, non? Ben oui, c'est exact. Et d'ailleurs, le journaliste du Nouvel Observateur décrit la revue Food and Chemical Toxicology comme étant une revue très sérieuse et une référence en matière de toxicologie alimentaire. Alors à ce moment-là, il faut considérer les autres articles sur les OGM qui paraissent dans cette même revue. Ça semble logique. Ah oui, tout à fait. Et notamment l'article d'une autre chercheure qui est française, qui s'appelle Agnès Ricro, et je ne sais pas comment on prononce son nom là. Ouais. Et qui a publié en début 2012 une revue de littérature qui fait la synthèse d'études scientifiques sur les effets délétères des OGM. Donc elle, dans son article, on ne lit pas seulement une étude, mais elle recense plusieurs études qui portent sur plusieurs espèces animales, plusieurs OGM et sur des durées allant de 90 jours à 2 ans. Et aucune de ces études ne montre d'effet délétère. Alors, qui croire, finalement? Est-ce qu'on croit Serralini et son étude qui porte sur une souche particulière de rats qui ont mangé une sorte d'OGM, ou est-ce qu'on considère l'ensemble des études, donc l'étude d'Agnès Ricro, mais aussi toutes les autres qui vont paraître dans cette même revue et peut-être dans d'autres revues? Donc, ce serait dommage que l'étude de Séralini ne mette un point final à cette question des OGM. Je pense qu'elle n'est pas encore résolue, que non. Ça va peut-être prendre d'autres études, que le débat n'est pas fini. Effectivement. Avec cette étude-là. Même si tous les acteurs ont perdu leur crédibilité dans cette affaire, je pense que Séralini a finalement atteint son objectif. Ce coût de publicité mondiale pour faire peur aux gens avec les OGM. C'est ça, effectivement. Donc, effectivement, les gens vont se ruer sur son livre, les images sur le film. Le film va peut-être être pris à travers le monde. Les images vont divulguer, vont se diffuser à travers le monde. Je suis certain que c'est ce qu'ils voulaient exactement. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Alors, merci beaucoup, Valérie, pour cet excellent résumé de la situation. Alors, on passe maintenant au mot de la fin.